Ne me faites pas croire qu'il n'y a pas d'issue, que le monde s'arrête, qu'il n'y a rien au-delà de la palissade. Je n'arrive pas ou plus à gober goulûment tous ces récits déments, ces monticules de mensonges et de sales histoires. Même si c'est la nuit noire, on t'apprend qu'à trop te rapprocher de la lumière, tu finiras six pieds sous terre ou cramé grave comme ce brave Icare. J'ai pas la prétention d'analyser toutes les ficelles, seulement les grosses et les cordes, celles qui ont pris l'habitude de nous donner des ordres, celles qui font tout pour qu'on évite de se sonner les cloches, tout ça pour former des claustrophiles et des hommes dociles, c'est catastrophique. De ne plus faire la différence entre le goût de la belle vie et celui de la javel qui remplace bien tranquillement le sang dans nos veines à feu de cuisant en brochette avec un écran devant nos têtes, ne sachant quasiment rien faire sans prendre leur set. Réveillons-nous, je voudrais libérer toutes ces victimes, leur faire des promesses d'esprit libre, mais au fond est-ce légitime? C'est comme si je plantais des graines sans pouvoir les arroser, car je n'ai pas vraiment d'alternative à proposer. Sans compter que certains d'entre eux veulent sans doute croire qu'il n'y a pas d'issue et qu'au-delà de la palissade le monde s'arrête. Elle fait tout pour qu'on l'aime, cette bête qui allait les têtes, tente de s'étendre et de rendre les cœurs nets, les pensées claires, limpides, car trop souvent simplifiées. Elle s'adresse à tout le monde, réfléchit pour tout le monde, s'applique pour que tout le monde ait l'impression d'être impliqué. Est-ce qu'il vaut mieux être égaré que maladroitement indiqué? L'écran est noir, mes pages sont fermées. Mon poste est silencieux et je suis déconnecté. Débranché, juste une tête à la fenêtre étranger. À ces problèmes de société, monté de toutes pièces, le doute pèse. Mais j'ai appris à en faire mon compagnon. Je goûte l'air loin du bastion, des passions, mais tout de même, je semble largué. À peine débarqué, ignorant de l'actualité. Même si je ne vais m'en targuer, j'en suis éhonté. Car c'est en partie par volonté. Incrédule, j'ai l'art de ne croire que ce que je sais. Et même si je ne sais rien, je préfère ne pas savoir que de voir. Par le prisme médiatique ou pire de n'être qu'une part de temps de cerveau disponible. Cependant je dissocie les médias qui ont une éthique de ceux qui frénétiques et mimétiques se repaissent de tout inconséquent puis nous repassent des scoops inconsistantes telle une épaisse soupe d'incontinence. Le scandale est vendeur et vendable, on modèle l'information car elle aussi subit la loi du commerce. Au ton distant de la voix off on est conditionné, et même la pire des conneries peut-être cautionnée. On reste infantilisé, bien tranquillisé, ces médias mercantilisés tendent à nous uniformiser. On a tous les mêmes références, c'est symptomatique. Les mêmes questions, les mêmes réponses automatiques. C'est si pratique, on nous offre des problématiques, des débats, des arguments, des positions que l'on applique de façon systématique. On se sent libre et vivant, prêt à prendre parti, non. En fait, nous ne faisons que suivre la partition.